IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. J'ai senti un truc. Je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oh oh! Alléluia! Il s'agit du flow de casse. Moi, ce que j'aime, c'est le pâté. Lèche-toi les couilles. Flaubert, Adrien Méniel. Non mais ça va pas! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, c'est le 14e. Le 14e effectivement. 14e épisode. Un épisode un peu particulier parce qu'on l'enregistre pas chez moi, on l'enregistre au Snowweb Comedy Festival à la Toussuire. Et d'autant plus exceptionnel qu'on a quatre invités, pour le moment on a trois invités, mais il y a un quatrième qui va arriver. Trois invités exceptionnels, évidemment Adrien Méniel. Donc, un qui n'est pas exceptionnel du coup. Bah, un petit peu exceptionnel, à mes yeux t'es... Regardez. Il arrive. J'espère que c'est pas filé parce que j'ai pas eu le temps de me recoiffer. Il y a aucun problème. C'est unique. Mais du coup, tu l'as dit. Du coup, les gens se l'imagineront. Nous sommes donc avec également Élise Larnicole. Bonjour. Bonsoir. C'est laquelle? C'est moi. Et juste... Ah, bonjour madame. Et nous sommes également avec Maurice Barthélémy. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Un grand bonsoir. Maurice Barthélémy qui a une petite voix. Oui, j'ai une voix un peu modifiée aujourd'hui. Mais parce que tu travailles un rôle. Oui. Je travaille un rôle, oui, effectivement, le biopic qui est en train d'être préparé sur Jeanne Moreau. j'ai envie de passer inaperçu, donc ma voix est floutée. D'accord, c'est ça. Tu vois, t'étais dans C'est mon choix la semaine dernière et là tu viens chez nous. Oui. Et nous sommes également avec Pierre-François Martin Laval. Merci, bah, moi aussi j'ai été obligé de changer de voix parce que j'avais pas envie qu'on me reconnaisse. PF qui vient de courir, apparemment t'as couru 1,5 km avec des skis. Ah vous êtes au courant là. Ça a fait le tour de la station PF. Eh oui, parce qu'évidemment quand tu skis avec Clara et les chic types, et qu'elle te dit non mais je te jure que tu seras à l'heure à l'ESF, évidemment il fallait pas la croire. Ça fait on fait une petite émission, en fait l'émission consiste à parler un peu de sketch. Souvent, les gens qui nous écoutent, on discute écriture, façon de faire et compagnie. Donc, ce que je vous propose, parce que j'ai pas pu te briefer avant, PF, donc je te brief en direct. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur la création à maintenant des Robin des Bois. Ouais. Et en revenant un petit peu sur comment vous avez fait les sketchs, certains passages, comment ça s'est passé et compagnie. D'accord ? Oui. Donc, je voulais revenir au tout début. Mmh. Est-ce que le début, c'est la pièce de théâtre ? Est-ce qu'on peut commencer par ça ? Ou est-ce qu'avant, en fait, vous commenciez déjà à bosser ensemble, mais les gens... était oui, pas au courant. On commençait à bosser ensemble, on s'appelait pas les Robin des Bois. On s'appelait la Royal Imperial Green Rabbit Company. Voilà. Mais on trouvait sa classe. Et on se dit, il vaut mieux trouver un nom très très long. Comme ça, tout le monde ne le retiendra jamais. Et puis on avait raison en fait. Voilà. Et du coup, vous avez fait directement votre première pièce, c'était Robin des Bois ? Non, on a fait des spectacles en Avignon, c'est là où on s'est rencontrés. Et puis après, notre premier spectacle, c'était comment pas appeler ? C'est pas une pièce de Dubillard, c'est un texte radiophonique de Dubillard qu'avec Maurice, on a adapté tous les deux. On s'est fait l'ascenseur. Voilà. On avait mélangé. J'ai le plongeon qui est un super sketch des dialogues à l'intérieur et ça a donné un spectacle de clown très alternatif, hein. Voilà. On jouait genre dans des non-théâtres, c'était vraiment des endroits qui n'existaient pas, des salles de classe, oui on jouait, on pouvait jouer n'importe où, on arrivait avec des pneus de tracteur et on montait chez Georges qui habitait au 25e étage d'un immeuble qui ne commençait qu'au 35. D'accord, ok. Voilà. Et puis ça nous a pas fait connaître, mais en tout cas dans le milieu, on avait quelques fans qui nous ont encouragés à monter la pièce Robin des Bois, du coup, tous ensemble. Parce que là, on n'était que deux. Et il se trouve que les personnes qui avaient vu le spectacle Ascenseur, un jour, apprennent qu'on va jouer à Fontainebleau dans une grange et disent un non-théâtre non plus. Et disent à Farouja, tiens, ils sont en train de faire un spectacle complètement déjanté à Fontainebleau dans une grange et ils vont chercher Farouja. Et ces gens-là, c'est Michel Hazanavicius. Lionel Abelansky et ils viennent chercher Farouja chez lui, ils font la route sous la pluie et ils viennent nous voir à Fontainebleau dans cette grange et Farouja rigole toute la soirée. Ah. Trop bien. Et donc là après vous faites Robin des Bois, vous l'avez joué combien de fois le Robin des Bois? Après Dominique il prend la pièce et il nous la produit dans un vrai théâtre, plus dans une grange. On donc a il joué avait plus, quoi, 4 mois à la Gaîté et 6 mois au Splendide, un truc comme ça, non? D'accord, ouais, donc... On a joué 300 fois en tout. 300 fois, d'accord. Bah, en fait, on a... ça marchait fort, mais comme Dominique a eu la très bonne idée de nous mettre aussi à la télé le soir, bon, là, on était épuisés. Quoi. Ah, vous faisiez les deux en même temps? Bah, à un moment, oui, on s'est retrouvés à faire 6 sketchs en direct, et puis après, on fonçait en scooter au Splendide, jusqu'au jour où Jean-Paul Rouve a eu un accident de scooter. Et... D'accord. Et on s'est dit, bon, il va peut-être falloir qu'on choisisse. Donc on a arrêté la pièce. En fait, l'été. J'avais oublié ça. C'est, l'été, on était au Splendide. Et Dominique a dit, ah non, mais moi, je fais une chaîne de télévision. Il faudrait venir faire des sketchs. Nous, on n'avait jamais fait de sketchs. Mais ça s'est fait très, très rapidement. Enfin, c'est vrai qu'et en novembre, la chaîne était ouverte. Quoi. Mais le bol qu'on a eu, c'est qu'un type comme Farrugia, qui n'avait jamais produit, tout d'un coup, décide de produire les Robins. Et à ce moment-là, on bénéficie mais d'une énorme fenêtre. Et tout le monde vient s'intéresser à nous parce que justement, les nuls commençaient à nous pousser. Quoi. Mais d'ailleurs, ça s'est fait naturellement de passer d'une pièce de théâtre, d'un truc qui dure une heure, à des sketchs plus courts. Très bonne question. Vous aviez envie de faire des sketchs? Non, ça a été très dur au début. D'accord. Très, très dur. On a failli renoncer. Bon, on était un peu téméraire, donc on y est allé. Et puis surtout, Farrugia, nous voyant en panique, a eu le réflexe de nous dire « Non, mais attendez, mais moi, je ne veux pas des bons sketchs. Vous pouvez me faire de la merde. Si vous m'en offrez un qui me fait rire par semaine, ça me va. » Donc ça nous a bien encouragés. Un des premiers sketchs qu'on a fait, je ne sais pas si tu te souviens, c'était une manifestation de gars qui manifestait non à la viande avec un V, exiger de la yande. D'accord. Voilà, on lui a proposé ça en sketch. Ça nous faisait beaucoup rire. Nous, ça nous faisait rire, mais lui, moyennement. Ouais. Non, mais on a appris vraiment le métier de... Parce que c'était pas notre rêve, hein, de faire de la télé. Hein. Ouais. Nous, on voulait faire du café-théâtre. Et on a appris l'écriture. Et au début, c'était la catastrophe. On s'y prenait comme des manches. Et au bout d'un ou deux mois de sketch qui nous faisait pas rire, ben, on s'est organisé. Ouais, vous-même, vous n'étiez pas forcément content au début de non. ton sketch? Non, au début, non. Mais il y a eu deux choses. Il y a eu la générosité de Dominique et son amour. Enfin, mais en plus, c'est que c'était le début de CanalSat. Ouais. C'était le début de comédie. Et je pense qu'il y avait 500 abonnés. Enfin, non, il n'y avait pas 500 abonnés, mais on faisait comme s'il y en avait 500. On avait l'impression de jouer pour personne. Oui. Ouais. C'est très abstrait, la télévision. On s'est rendu compte du succès de CanalSat. Mais au début, on se disait, c'est pas grave, personne regarde. Et c'est surtout qu'on jouait. Moi, j'écrivais pas les sketchs, je me contentais de les jouer. Mais on jouait dans un petit théâtre. Donc, il y avait un. La télé était très abstraite. Puis, comment plus personne. On nous reconnaissait pas dans la rue, parce qu'il y avait très peu de gens qui reconnaissaient. Donc, nous, on était un peu dans. Comme une petite première de théâtre tous les soirs, à jouer nos 4-5 sketchs. C'est là où il a été extraordinaire, Farrugia, c'est que pour nous mettre à l'aise, comme il a compris qu'on ne l'était pas du tout, il a fait construire pour nous un petit théâtre rouge avec un rideau et un proscenium, une scène. D'accord, c'était pas forcément prévu au début. Non, il a vraiment, c'était en discussion avec nous, si mes souvenirs sont bons. Il voulait donner un peu Saturday Night Live, tu vois, à son show, et en même temps, il voulait nous mettre à l'aise, donc il a fait ce petit décor. Ouais. Donc vous faisiez, tu disais, 5-6 sketchs par jour. Ouais, on avait un pré-générique. Et 4 sketchs, quoi. Non. Voilà, et... Et comment on s'organise pour faire autant de... Parce que c'est, le mot est un peu dégueu, donc je m'excuse, mais flux. Ouais. Comment on fait autant de qu'est-ce sketchs? Qu'est-ce que c'est dégueu? Ouais, t'as vu ça, je l'avais prévenu. Comment on fait pour faire autant de sketchs? En plus, vous êtes 6, comment vous faisiez pour vous organiser? On écrivait à 4, avec Pef, Jean-Paul Rouve, Marina Foïs et moi. Et en fait... C'est pas Jeanne Moreau, hein, c'est vraiment le vrai Maurice. et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un peu d'avance pour éviter de se retrouver ouais. à écrire un sketch... pour le matin, pour le soir. Donc ça a été le secret. Et puis le deuxième petit secret qu'on avait, c'est qu'on faisait des sketchs avec des personnages récurrents, ce qui fait que ça nous donnait finalement une sorte de cadre. Et on savait que bon, bah, on allait faire un Poufle Cascadeur, on allait faire machin, etc. Et ça nous a vachement aidé à écrire 4 ans de sketchs. Et l'avance, comme dit Maurice, ça nous a pas sauvés, mais enfin c'était ça l'organisation. Pour pas se dire... pour avoir le recul, donc on avait une semaine d'avance, si mes souvenirs sont bons, et de relire une dernière fois les sketchs pour se dire non mais attends, c'est pas vraiment de la merde ou quoi. À la fin, on avait plus que ça, parce que Pascal et moi, on n'écrivait pas, mais on les relisait tous les 6, voilà. Mais on les relisait à Canal, on les relisait presque 15 jours avant pour se dire celui-là il marche pas, ou il fallait repartir en écriture, ou l'abandonner pour en prendre un. Oui, donc c'était quand même rigoureux. Ah mais on était un groupe rigoureux, hein, très organisé. Après, là... On se mettait un peu une balle dans le pied aussi, parce que pour être efficace à la télé, il faut traiter de l'actualité, de ce qui s'est passé le jour même. Et nous, justement, quasiment jamais, on faisait ça. Donc, Voilà, c'était un peu plus dur. C'était pas forcément ça qui nous faisait le plus rire aussi. Ouais. On évitait tous les sketchs à la fois qui étaient politiques, des sketchs. Oh bah, t'as quand même enculé le pape à un moment, si mes souvenirs sont bons. Quelque part, c'était. Oui. Mais d'ailleurs, j'allais venir à ça parce qu'effectivement, c'est un truc pour le coup, je vais faire des petits parallèles, je vais le tenter de temps en temps, mais avec les gens d'Internet. Mm-hmm. Nous, c'est vrai que si je fais un peu un état des lieux de la fiction, alors avec plutôt nous, Golden, Bagel, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais c'est un truc où je me reconnais vachement, moi perso, dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que nous, pareil, on n'est pas très parodie, on n'était pas très imitation de célébrité. Vous pensez que ça vient de quel genre de culture ? C'est les Monty Python, on n'en faisait pas non plus, en vrai, des parodies. Vous pensez que c'est lié à ça ou... Nous, on a été influencés par plein d'écoles. Effectivement, il y avait les Monty Python, mais Pef, par exemple, il adorait aussi toute l'école comique de Louis de Funès, Bourville et autres. Moi, j'adorais les Marx Brothers. Élise, elle adorait Kant. on avait plein d'influences. Et c'est ce qui fait que les Robins, c'est un mélange de plein de choses. Et en même temps, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et ce qui est vrai, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand parfois, le hasard que tout d'un coup, à la fin d'un sketch, on avait l'impression de délivrer un message, ça nous foutait le cafard. Ouais, non, t'as raison. Et dès qu'on quittait le burlesque pur ou le non-sens pur, voilà, dès qu'il y avait un peu de sens, un peu, ouais, non. Ce qui nous a réunis au départ, c'est justement sur le spectacle précédent, c'est que Maurice et moi, on s'est rendu compte qu'on avait une obsession commune, c'est l'absurde. Moi, j'adore la poésie qui est dans l'absurde, mais même de français, comme du billard. Et puis le burlesque, moi, je voulais être clown. Et donc, ce mélange de nos passions, le point en commun de l'absurde, les Monty Python, c'est l'absurde. Voilà, c'est ça qui nous a réunis. Quel est votre personnage ou votre type de... Enfin, comme tu disais, il y avait des récurrences, des sketchs qui revenaient dans des situations différentes. C'est quoi un peu le personnage ou le sketch chacun que vous préfériez? Alors moi j'adorais faire le Father Tom, oui. Mais je sais que ça ne plaisait qu'à moi. Mais donc je l'assumais. Et à Antonio Banderas, on peut le dire. Il y a eu un problème avec Banderas. Il y a eu un scandale. C'est hollywoodien. Oui, en fait, c'était à l'époque de Nulle Part Ailleurs. Banderas était invité, et donc il y a Father Tom qui débarque et qui fait une sorte de speech en espagnol. Mais en mauvais espagnol, et Jean-Paul Rouve me traduit. Double. Ouais. Il traduit avec des panneaux. Et Banderas pense qu'on est en train de se foutre de sa gueule parce qu'il comprend mal le sketch. Alors que rien à voir avec Banderas. Quoi. Il est en traduction simultanée et il pense qu'on est en train de se foutre de son accent, etc. Il le prend très mal, etc. Bon, il faut dire qu'à un moment, la traduction dégénère. Donc Jean-Paul, qui est un peu ton ennemi finalement, c'est son traducteur, mais Jean-Paul se fout de la gueule de Maurice, de Father Tom. Oui, en fait. Et à un moment, il y a un carton où ça, c'est la surenchère. Ça met ni Antonio Banderas. Il y avait marqué Hero de Puta. D'accord, sur le carton. Mais le carton visait Father Tom. Ouais. Et Banderas le prend personnellement. Ouais. Et là. Un espagnol à qui on dit Hero de Puta, ça passe pas. Voilà. Ouais. Donc nous, on le sait pas. Ils font le sketch, le rideau se ferme. On est content, on a joué devant Banderas, quoi, star d'Hollywood. Et puis Nagui se retrouve en plateau avec Banderas, qui ne lui répond plus. Donc Nagui envoie la pub et Banderas lui dit. Vous ne m'adressez plus la parole, l'émission s'arrête là pour moi. Et donc Nagui, il dit mais non, il reste 10 minutes. Et Banderas, il dit vous avez compris ce que je vous ai dit, je viens de me faire traiter de fils de pute, plus personne ne me parle, maintenant c'est terminé, vous rendez l'antenne. Et là, on voit des gens courir dans les couloirs, il y avait tout. C'était Universal, c'était qui ? La Fox ou je sais plus, c'était une grosse boîte américaine. Oh, on n'avait plus le droit de lui parler, rien. Il y avait des avocats, c'était incroyable. Et ils nous ont demandé de nous excuser, et nous on disait mais on ne voit pas pourquoi on irait s'excuser, on ne lui a rien dit à ce monsieur. Et ça c'est bon, finalement, c'est terminé un peu en notre boudin, mais bon. C'était dingue. Donc, Father Tom, effectivement. Ouais, toi, c'est Father Tom. J'aimais bien. Toi, PF ? Alors, moi, je vais décevoir tout le monde, mais j'adorais faire mes personnages, quoi. Ouais. Autant j'adorais sortir une tronçonneuse sur Marina, là, quand j'étais son avocat. J'y prenais un plaisir fou. Mais faire des cascades, c'était l'adrénaline. Enfin, des cascades ratées. J'aimais tout. Mais vous écriviez que pour vos persos ou... Enfin, vos persos, c'est les gens qui l'interprétaient qui les écrivaient. Non, ou... alors en fait, on était divisés en deux équipes. Il y a Jean-Paul Rouve et moi-même, on scénarisait les sketchs et on les passait à Pef et Marina qui les dialoguaient. Donc ça a toujours fonctionné comme ça. Donc nous, on a toujours scénarisé pour tout le monde, pour tous les personnages, et Pef et Marina dialoguaient derrière. D'accord. Et après, on corrigeait tous ensemble à 6. D'accord. Voilà. Et toi, Élise ? J'aimais bien qu'on tournait les pré-génériques parce que je pense que c'était un exercice dans lequel j'étais plutôt pas mauvaise. J'aimais bien cette espèce de petite Bastille. Petite auto-fiction débile qui démarrait nulle part ailleurs. J'aimais bien les pré-génériques. Et je me suis beaucoup éclaté sur la cape et l'épée la dernière année. Ah oui, t'as raison. Mais on va y venir après. J'ai adoré. Voilà. Après, moi, je suis une grosse traqueuse. Moi, j'ai eu du... La première année à comédie, je pense que j'ai été bouffée par un espèce de trac qui m'a un peu pollué la vie. Qui a duré huit mois. Non, j'exagère, mais j'ai mis du temps à être aussi à l'aise à la télévision dans cette espèce de direct tous les jours que sur scène. Quoi. Mais c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est qu'en même temps, vous aviez un truc qui n'était pas simple, parce que vous étiez déjà en direct tout le temps. Ouais. Et en plus, votre humour, il y a quand même un truc de... Vous mettiez pas forcément des chutes au sketch. Ça c'est comme dénoncer, mettre une chute, ça nous foutait le cafard en fait. Pourquoi? Comment ça? Non, un jour, Pascal Légitimus vient nous voir et nous dit écoutez, vous savez comment on fait un sketch? On commence par la chute et après on remonte. Et nous on le regarde en se disant putain, on est tellement loin de lui, c'est tellement pas ça qu'on veut faire dans notre vie. Et en fait, nous ce qui nous plaisait, c'était on avait une idée, on se disait tiens, on va la faire et on se posait pas la question comment on allait la terminer. Non, c'était... mais un jour, je crois que c'est toi qui as inventé ça, Maurice. C'était dingue, on en avait tellement marre qu'on se fout de notre gueule pour nos chutes, que nous, on a inventé Chuteman. Et donc, on se faisait pas chier, on faisait de l'anti-légitimus, du coup. On faisait le sketch qu'on voulait faire, on savait qu'on n'aurait pas de chute, et donc Maurice arrivait, quand il n'était pas dans le sketch, il arrivait en VRP, un petit costume gris, avec un attaché-case. Et puis, il ouvrait son attaché-case, il dit, c'était Chuteman, il demandait si on voulait une chute en tech, alors il sortait une petite planche de tech, ou chute américaine, il sortait un drapeau américain. Moi, je me souviens très bien de la chute américaine qu'on a beaucoup utilisée, ouais. Qui était quand même la chute qui me faisait le plus rire, c'était la chute américaine. Ah bah c'était là, quoi? Parce que moi j'ai oublié, moi j'ai un Alzheimer du sketch, j'ai tout oublié moi. Bah c'est moi j'adorais le qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment on finit? Viens, on fait une chute américaine. Et on chantait. On terminait sur l'hymne américain. Mais tu sais ce qui nous a vraiment beaucoup aidé, et puis d'ailleurs ça n'aurait jamais marché pour nous sinon, c'est que Farrugia remplissait la salle tous les jours. Et il savait d'où on venait, qu'on avait peur de la télé, que c'était en tout cas pas notre envie au départ. Et donc, on était dans un théâtre, il y avait 140 personnes tous les soirs. Donc, nous, on jouait pas pour les caméras. Ouais, on jouait vraiment pour les gens. Donc, le direct, bah, c'est comme quand on est au café-théâtre. Quand tu es au café-théâtre, bah, les gens, ils sont là, si tu te plantes... Et puis, pour nous, c'était la récréation, le direct. En fait, on avait travaillé toute la journée, un peu de façon contraignante, avec le réalisateur pour mettre en place les sketchs, etc., etc. Donc, on était un peu fatigués. Et arrivé le direct, là, on savait qu'on pouvait lâcher les chevaux et faire un peu ce qu'on voulait, quoi. Mais d'ailleurs, c'est la question que je vais vous poser, c'est que nous, par exemple, on fait des sketchs. Je pense que sur Internet, si on devait qualifier... Comment on fait des vannes, c'est le montage, nous, beaucoup. Enfin, ouais. C'est le montage nous sauve tout le temps. Et c'était très cut. Et quand les gens ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait, c'est parce qu'en disant « Ah ouais, le rythme, c'est intéressant. Effectivement, ça va vite. » Et après, voilà. Vous étiez un peu sans filet. Et vous n'avez jamais vraiment fait de sketch vidéo. Ça ne vous intéressait pas? Vous vouliez que du théâtre, quoi? On en a fait en progressant. On a fini par en faire comme des pubs. Tu te rappelles, on faisait des duplex. Mais c'était pour nous arranger, pour être tous les sièges sur scène. Du coup, pour les changements de costume, parfois on enregistrait des sketchs, quelques-uns. Pas mais nous, on venait plutôt du théâtre, de la scène. Donc si tu veux, on a fait un truc qui correspondait un peu à là où on venait. Quoi. Mais ça ne vous intéressait pas de faire de la vidéo? C'est pas que ça ne nous intéressait pas, mais c'est qu'en fait, naturellement, on a fait ça. Puis on était venu nous chercher pour ça aussi, donc c'était compliqué de proposer. On s'y est mis en arrivant à Canal. C'est-à-dire qu'en arrivant à Canal, on a fait un pré-générique toute l'année, pendant 2 ans, qui était réalisé par... Il n'était pas monté. Oui, mais c'était plus du théâtre. C'était du cinéma. Enfin, c'était vraiment. C'était du. La vidéo, mais le rythme à l'intérieur du pré-générique, c'était nous qui l'avions. C'était un plan séquence. C'était pas un peu sans filet, quoi. Vous n'avez pas le montage pour. Nous, en fait, on aimait bien travailler. C'est-à-dire, comme nous, on était des acteurs au départ, ben, en fait, on se disait, ben, nous, on veut jouer, on veut qu'on laisse de la place au jeu. Et donc, la plupart du temps, ce qu'on faisait n'était jamais monté parce que voilà, c'était comme du théâtre. Et puis, ce qu'on adorait, je crois que c'était ça que les gens aimaient, c'est que quand on se plantait, on en jouait, quoi. Les gens, ils attendaient que ça, qu'on se plante, et on se foutait de la gueule du partenaire. Moi, quand je savais pas bien mes textes, ou quand il y avait un décor qui se pétait la gueule, et ça marche que quand c'est en direct. Le grand jeu, c'était un peu de se cacher un peu aussi pour montrer sa gueule au dernier moment. Tu vois, les perruques, les trucs. C'est-à-dire le sketch des Bee Gees. Faire des surprises. Un gros fou rire en direct, c'est parce que on s'est pas vraiment vu les uns les autres avant, quoi. Et donc, du coup, on rit parce que c'est tellement n'importe quoi la gueule de chacun que forcément, ça nous déclenche des gros fous rires. Et puis, ça donnait de l'indulgence parce que les gens étaient persuadés la plupart qu'on improvisait, alors qu'on n'improvisait pas du tout. Enfin, on improvisait que quand on était dans la merde, mais sinon, on n'est pas des grands improvisateurs, ni les uns ni les autres. Mais du coup, le côté un peu foutraque du résultat faisait que les gens pensaient qu'on improvisait, alors que pas du tout. En fait, ouais, ça apportait peut-être une bienveillance que du coup, nous, on n'a pas tellement sur Internet, quoi. Parce que, bien sûr. En fait, si c'est raté, les gens, ils disent, vous avez eu des mois pour le faire, donc... Exactement. Ils sont très exigeants, quoi. Alors que mais nous, oui. c'est, mais nous, c'est du direct, quoi. C'est bon, si c'était pas bon, ça sera peut-être meilleur demain. Et, voilà. Et puis nous, à la différence de vous, c'est qu'on n'avait pas un retour rapide. Des gens qui regardaient. À part le public. Ouais, mais le public, bon, il avait fait l'effort de venir. Et puis, il savait que c'était dans l'esprit des Robins de faire des bides. Donc, si tu veux, tu vois, ça passait, quoi. Mais c'est vrai que ce que vous vivez, c'est plus compliqué que nous, ce qu'on a vécu, en ce sens que vous avez des mecs qui sont réfugiés un peu derrière leur smartphone ou leur écran et qui se lâchent quand ils n'aiment pas. Nous, ce n'était pas le cas. Mais d'ailleurs, tu parlais de le beat, tout ça, vous aimiez bien en faire ? Enfin, vous aimiez bien. Non, au début, j'aimais pas du tout. J'y ai pris plaisir parce qu'à un moment, j'avais plus le choix. Mais au début, j'étais rouge comme une tomate, j'avais honte. Ouais. Mais parce que quand tu disais vous cherchiez l'accident, enfin même vous dans les skills, vous foutiez dans la merde. Moi, j'ai des souvenirs de quand tu faisais les Madame Marcadet, enfin où tu cuisinais sur les autres. Il y a quand même un truc où tu te prenais de la merde. Là, il y avait que moi, comme Father Tom pour moi, il y avait que moi qui prenais plaisir là. Les gens que je cuisinais. Faisait vraiment ça par amour pour les Romains des Bois, là, Élise, Jean-Paul, ça, je l'ai gratiné. Et moi, j'adorais ça, quoi. J'adorais alors, en général, on n'était que trois à être cuisinés. C'était soit Jean-Paul, soit moi, soit Pascal. Ah non, c'était moi la dernière fois. Non. Ouais, ça va, non, bon, et puis c'est vrai que j'étais monstrueux. On avait de la rissa, du machin dans les yeux, du sel, du beurre. Le paradoxe, c'était que, par exemple, quand on faisait Radio Barefoot et qu'on faisait exactement la même chose avec Jean-Paul Rouve et qu'on se balançait de la bière dans la gueule, Pef et Marina n'aimaient pas du tout. Non, mais là, je comprends pas, quoi. Vous balancez de la bière, ok. Les Robins, c'était que de la contradiction permanente. C'est-à-dire qu'un jour, il y en avait un qui défendait le fait de vomir sur l'autre en disant c'est normal, il faut qu'on vomisse sur lui. Et le lendemain, il disait mais tu dois pas vomir, c'est pas possible. Donc c'était tout le temps de la contradiction. Ouais, je pense qu'on est tous de mauvaise foi dans l'équipe. C'est ce que j'allais dire. Niveau mauvaise foi, c'était un espèce de concours. Donc après, vous partez sur Canal. Mais en fait, aux grandes dames des aficionados de comédie. Oui, qu'on trouvait qu'on était moins drôle. Bien sûr. Il y avait les puristes. Déjà à l'époque. Hein. Bien sûr, il y avait les puristes qui disaient vous avez vendu votre âme au diable, quoi. Vous êtes parti dans le vraiment dans le. On l'a mal vécu la première année. Je me souviens de. Même le clochard de la rue Saint-Charles, où on avait notre bureau qui me parlait plus. C'était mieux à comédie. Et devant le Grand Rex, je me gare avec mon scooter. Je me rappellerai un flic qui me reconnaît et qui me met l'amende parce que je suis parti à Canal. Il me met l'amende quand même parce qu'il était fan à comédie. Il était dégoûté qu'on soit. Mais il faisait partie d'un petit club privilégié parce qu'il y avait les abonnés. Canal, on était en clair. En plus, donc c'était open bar pour tout le monde. Et donc du coup, de nous partager. Ouais, ils étaient dégoûtés. Et pourtant, vous faisiez la même chose. On faisait la même chose. C'était... La première année, on a fait la même chose. Mais pas dans le même univers. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un conducteur d'émission. Il y a un moment donné, le sketch pouvait pas faire 10 minutes. Et voilà, il fallait. Non, et puis vous savez ce qui a. Ce qui n'allait pas, c'est que à Comédie, on était en osmose avec l'animateur et avec l'orchestre. Tout était fait pour nous. Et donc, on pouvait même traverser le mur. On pouvait aller chez l'animateur et tout. Et là, c'était chacun pour sa peau. Les animateurs ne nous aimaient pas du tout. Mais vraiment, maintenant, on peut le dire. Non, ils ne nous aimaient pas. Ils parlaient pendant notre sketch. Ils ne savaient même pas ce qu'on faisait. Non, il n'y avait plus d'amitié, quoi. C'était terminé. Non, mais je ne sais pas s'ils ne nous aimaient pas. Mais en tout cas, ils étaient concentrés sur ce qu'ils avaient. Ouais, voilà, c'est pas le même. Ouais, juste derrière nous, il y avait notre le journal. Notre sketch, je le rappelle, le sautait régulièrement. C'était pas de l'amour, quoi. Le mec, il faisait sauter notre sketch. Il en avait rien à foutre. C'est pas pareil quand t'as Daphné Rouillet qui doit faire le journal et annoncer des catastrophes juste derrière toi. C'est un peu normal qu'elle soit pas à fond puis on intégrait une émission mythique, quoi. Nulle part ailleurs, c'était vraiment sorte de messe. Qui déjà tous les ans c'était mieux avant. Voilà. On est arrivé dans le déclin. C'était mieux les. Ah non, mais nous, pendant les répètes, je pense qu'il a fallu attendre 6 mois avant qu'il y ait un cadreur qui rigole. Et on sortait de scène et de la répète, on entendait putain, c'est pas les nuls, hein. Ce qui est horrible, c'est que les mecs qui nous ont remplacés. deux ans plus tard, ils ont souffert de la même façon. Ah ben non, c'est pas les Romains. Ouais. En revanche, on s'est retrouvé dans des situations de répétition à l'époque de l'émission de Nulle part ailleurs tellement absurdes où tout d'un coup, nous, on répétait notre sketch, genre par exemple le tennis poussin, où c'était une partie de tennis avec des poussins à la place des balles, et que en même temps, il y avait Bowie qui faisait sa balance. Ouais, ça c'est et donc du coup on se retrouvait dans des trucs complètement dingues, ouais, et on dingue. Était là, on se disait ou alors Prince qui venait faire sa balance, et c'est vrai que ça a été une époque complètement folle parce que ils avaient des énormes invités musicaux et nous on continuait et pas que musicaux d'ailleurs. Ouais. Et du coup vous avez fait combien de temps, enfin deux ans. Deux ans, mais que de Nulle part ailleurs ou tu comptes la cape et l'épée? Deux ans, inclus la cape et l'épée. La deuxième année, on faisait moins de sketchs à Nulle part ailleurs, mais on faisait la cape et l'épée le samedi. Ouais, en fait, ils nous ont mis dans une case à part. Ils ont senti qu'on était un peu difficile à gérer. Donc, ils ont baissé nos sketchs sur Nulle part ailleurs. Et ils nous ont donné une case qui était la cape et l'épée. Ouais. La première année, on faisait un pré-générique, un sketch en direct et un sketch enregistré. Et la deuxième année, on faisait plus que le sketch L'instant norvégien. L'instant norvégien en direct. D'accord, l'instant norvégien, en fait, c'était que la deuxième année, c'est ça? C'était la deuxième année. D'accord. Ouais. Okay. Et tous les vendredis, on était au pavillon Gabriel chez Drucker, on a enregistré deux cap et épée, je crois. Ouais, la cap et l'épée, c'est pareil, c'était, mine de rien, c'est un peu. Alors, j'utilise un autre terme galvaudé, c'est un peu ma spéciale. Mmh. C'est un peu un ovni quand même, moi je trouve, parce que moi je regardais tous les samedis et c'est vrai que ça a été un truc de. C'était 30 minutes, ça durait à peu près? Ouais, deux fois 15. Ouais, deux épisodes de 15. Et comment on se lance dans un truc où là il y a quand même beaucoup de textes? Pareil, de l'avance, on prenait de l'avance. Ouais. Et avec les guests et tout, ce que nous, c'est vrai qu'on sait que des fois ça dure à gérer. Vous arrivez coup de à fil, les il y avait Charlotte Janos qui était la fille, voilà, la coordinatrice de nos sketchs, qui appelait les gens qu'on adorait, tous les Darmon, Chabat, etc., pour bien vouloir jouer gratuitement dans nos sketchs. Et on les répétait le matin pour l'après-midi. D'accord. Mais ça aussi, c'est arrivé, la cape et l'épée. En fait, on voulait se remettre au théâtre. Là, c'est, j'allais y venir, voilà. Ouais. On voulait se remettre au théâtre. C'est la première pièce des Robin des Bois, la cape et l'épée. Et Alain Degreffe, on avait commencé à lui dire, et il nous offre d'un coup un petit créneau le samedi soir, et on s'est dit, mais si la pièce qu'on voulait faire, qui était la cape et l'épée, influencée par Maurice, était inspirée des Rois Maudits, non, c'était pas ça, tu voulais ah faire oui, un oui, truc oui, on adore. Voilà, les c'est Rois Maurice Maudits. Qui a dit, et si notre pièce, on la faisait genre aux Rois Maudits avec un plateau tournant, et du coup, une pièce de théâtre ce soir, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui. C'est pour ça qu'on s'éclatait. C'est parce que encore une fois, il y avait une arène pleine de spectateurs et on jouait pas pour les caméras, quoi. Il y avait pas de filet. Théâtre. Et on se disait, on n'arrête pas. Quoi. Ah oui. Il y avait aucun moment où on coupait. On a arrêté une fois. Ah bon, on dira pas son nom, mais à cause de du Suisse, à cause du Suisse. Non. Mais du coup, on l'a vécu comme un échec parce que jamais on s'est arrêté. On a eu des catastrophes, des gens aux chiottes en direct, des machins et tout. Mais une fois, il y a eu le trou, donc ouais, c'était terminé, quoi. On se disait, on est même quand on enregistrait, on se disait, on est en direct. Mais ce qui est drôle, c'est que vous continuez à vous foutre des bâtons dans les roues. Bien sûr. Continuellement. Oui, moi je me souviens sur la cape et l'épée. Un jour, je glisse une photo à la con dans le bouquin que doit lire Jean-Paul. Et Jean-Paul découvre la photo, évidemment, c'est une photo que j'ai récupérée, ou je sais pas, c'est un mec à Walp, n'importe quoi. Oh, c'était un mec à Walp, je pense. C'était ignoble, Maurice, on dira pas. Ah bon ah, tu te souviens de ce qu'il y avait? C'était ignoble, pour que Jean-Paul soit tout rouge et chiale. Mais c'était un truc dégueu, ouais, c'est sûr. Alors, il fallait le voir parce que toutes ces années, c'était dans les coulisses. Le nom, moi, je connais les culs de tous les Romains, mais c'est-à-dire, tu pouvais pas être dans t'avais toujours une coulisse. T'as forcément dès qu'il y avait un Romain en coulisse qui te montrait son cul. Donc, on a énormément montré notre cul. On est tombé beaucoup et on a montré notre cul beaucoup. Ouais. Ce sera le résumé. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous aviez annoncé que vous faisiez un film, moi j'étais surpris. J'étais persuadé que vous auriez fait un film La Cape et l'Épée. Vous n'y avez pas pensé? Vous n'êtes pas dit que peut-être ça s'adapterait? On a dû avoir ce genre de discussion. Hein. Bon, c'était un film en costume forcément, mais non, je n'ai pas ce souvenir. Mais on a essayé d'adapter la pièce au cinéma, la pièce Robin des Bois. Ouais. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas bon, donc on a abandonné ça. Et puis l'idée de Re est venue un peu. Comme ça, un jour, je sortais d'un scooter, je leur dis, tiens, si on faisait un thriller préhistorique, le premier crime de l'humanité, et ça leur a bien plu. Mais d'ailleurs, quand Dominique avait vu le spectacle, c'est pas ça qu'il voulait qu'on fasse d'abord. Il voulait pas nous produire au théâtre, il s'en foutait, il voulait qu'on écrive le Robin des Bois, le film. Ouais. Oui, au départ, Dominique, quand il nous a rencontrés dans la grange, c'était pour partir au cinéma faire Robin des Bois, le film, effectivement. C'est comme ça qu'on a écrit le scénario et on n'était pas contents. Et nous, on a dit, bah, on va jouer la pièce d'abord, et puis, puis il a dit banco. Et Roi, d'ailleurs, c'est un peu marrant, parce qu'il y a genre peut-être un mois, c'était les 15 ans du film, le film a 15 ans. Et je voulais revenir un peu, parce que justement, depuis tout à l'heure, vous dites, oui, on vient du café-théâtre, on a fait beaucoup de scènes, on n'a jamais joué pour les caméras. Là, d'un coup, c'est un exercice complètement différent. Vous aviez déjà joué dans des films, mais là, c'était vraiment votre groupe qui fait un film. Comment on change, est-ce qu'on change un peu sa façon de faire? Est-ce qu'on... D'ailleurs, juste avant de vous lancer, d'ailleurs, je conseille, si jamais vous le trouvez, moi j'ai eu la chance de l'avoir, vous avez sorti un bouquin, enfin je ne sais pas si c'est vous, qui s'appelle le Making of en papier, qui est une vraie bible pour tous les gens qui veulent écrire de la comédie, parce qu'en fait, il y a écrit vraiment des résumés de réunions, il y a le scénario qui a vraiment été de dessins et de trucs, et il y a des résumés de réunions, et c'est très intéressant, donc si j'arrive à... Alors, tu sais que tu connais celui qui l'a écrit ? Parce qu'il était à Snow Web les premiers jours, c'est Christophe Carrière. Ah d'accord, ok. Voilà. Je savais pas. Mais c'est il est resté un an avec nous, en temps de nos conneries, sans rien dire. Il mettait un dictaphone et il partait, je crois. Il et mettait c'est... un dictaphone. On était chargé de lui rendre la cassette le soir. Parce qu'en plus, c'est un livre. Alors, y a pas, ça ne dit pas que vous vous prenez la tête et tout, mais c'est sans filtre. En fait, c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'on voit qui a aimé quelle idée, qui... Oui, c'est vrai que c'est un livre assez rare parce que c'était une sorte de making-of en papier. D'un film. Il y a des belles photos dedans. Il y a les croquis du mec qui a fait les costumes, les décors, tout ça. Et Carrière m'a dit récemment que le bouquin se vendait très cher sur le net. Parce que j'ai regardé parce que je voulais le conseiller, il est à 100 balles. Ah bah voilà. Alors, après avoir fait un très très gros flop. Hein. Bah moi je l'ai. Parce que j'ai rencontré l'éditeur justement par hasard il y a 15 jours. Qui m'a dit qu'à la sortie du film, on lui a dit « Mais sors-en plus, tu vois pas que ça va se vendre comme des petits pains ?» Et en fait, il se retrouve avec des fourgons qui revenaient à l'édition. En plus, le bouquin pesait très lourd. Il est très grand, gigantesque. Voilà. Il a été beaucoup pilonné. Et voilà. Mais pour revenir à ta question, comment on a écrit Re, on l'a écrit un peu comme nous, on écrivait nos sketchs. Une fois de plus, on était à quatre à écrire. Et puis Chabat est arrivé plus tard, en fait, parce qu'au départ, c'était Farrugia qui devait produire le film. Puis Farrugia est passé sur Canal, puisqu'il a été dirigeant de Canal à ce moment-là. Et il passe le bébé. Et là, je vais un peu plus vite. Il passe le bébé à Chabat. Et nous, on se dit, putain, mais ça y est, c'est une chance unique. Quoi. Chabat sortait d'Astérix. Et on se dit, Chabat va produire notre film. C'est un truc génial. On a cherché un réal. Et puis après, on s'est dit que la logique, c'était de demander à Chabat. Et Chabat a dit oui au bout de... Après qu'on ait séquestré ses enfants, il a dit oui. Oui, donc comme je disais, comment ça se passe un tournage de film avec votre humour filmé alors que vous aviez... toujours fait du café-théâtre et de la scène. Moi, c'est un de mes plus grands bons souvenirs. Enfin, t'imagines, on fait les idiots depuis des années ensemble. Là, on fait notre film avec Chabat dans des conditions archi-confortables. On avait des très, très gros moyens pour faire le film. On avait des beaux moyens. On était en France dans des décors incroyables, avec des techniciens, le top du Des très jolies figurantes. Des très jolies figurantes. On a eu... C'était incroyable ce tournage. On a eu très très froid pendant le premier mois de tournage parce qu'il y avait de la neige. On arrivait très tôt le matin vers 5h parce qu'on avait 1h45 de maquillage. Il y avait de la neige et après il y a eu la canicule sur la fin du tournage qui avait tué malheureusement des dizaines de milliers de petits vieux. Donc on a eu pour le bien du film aussi. Ouais, voilà. Et tout ça en peau de bête. Et alors on peut confirmer que la petite peau de bête... Ne tient pas chaud. Mais tient. Enfin, quand il fait moins 5, ça tient pas assez chaud. Et quand il fait 40, ça tient beaucoup trop chaud. On était maquillés. Le corps était. On nous maquillait le corps pour paraître un peu sale, un peu bronzé, comme dans une cabine pour repeindre les bagnoles. Donc en fait, il y avait des pistolets à air comprimé et on nous balançait du maquillage sur tout le corps. Et ça, quand il était 6h du matin et qu'on te balance un petit vent frais, mais très très frais, et qui fait 4 degrés. Dans l'arrêt du cul, c'était ça chiant. Parce qu'évidemment, le cul à l'heure. Sauf moi, parce que moi, mes enfants, ils avaient 12 ans à l'époque, ils allaient rentrer en 6e, et quand je parlais des costumes, je disais, putain, on va voir nos culs. Ils ont fait, oh non, maman, on va pas voir ton cul. Et j'en ai parlé. Ils ont mis un veto. Et j'en ai parlé à Alain le lendemain, qui m'a dit, promis, je ferai attention au montage, je te promets, on verra pas ton cul. Tu vous feras juste une guêpe en 3D, ce sera juste. Exactement, mais tu peux regarder le film, je pense qu'on voit le cul de tous les Robins. Mais après coup, mon avis personnel, c'est que je pense qu'on a eu un peu trop d'argent pour faire ce film. C'est-à-dire, ça paraît complètement con de dire ça, mais notre esprit était très bout de ficelle, quoi. Et on s'est retrouvé là dans une logique, mais de production qui nous a un peu échappé, où tout d'un coup, voilà, c'était Chabat qui produisait, le studio Canal qui mettait de l'argent, etc. Et on s'est retrouvé avec des très gros moyens. Et je pense qu'on aurait gagné à sortir un film un peu moins grand public et un peu plus ciblé sur le public des Robins, pour qu'il y ait moins le malentendu au moment de la sortie. Mmh. Parce que quand le film est sorti, il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était un film de Chabat, qui était une sorte d'esprit Astérix, mmh. alors qu'en fait, c'était vraiment le mélange des deux, quoi. Et mmh. qu'en fait, on aurait gagné à faire un peu moins cher le film et cibler plus sur notre public, et on se serait pris moins une volée de coups de bâton comme on s'est pris à la sortie ouais, du film. Ouais, mais après, quoi. Maintenant, est-ce que le film... Enfin, moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'en suis fier. Je le trouve oui, beau. Oui, non, puis surtout, il a une aura. Ouais, puis même, je trouve que le fait qu'il ait cette esthétique. Je le trouve beau. Enfin, tu ah vois, non, le non, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, quand il est sorti, on a souffert. Ah oui, mais. C'était bon, faire baisser les attentes des gens, quoi, pour éviter. Enfin, s'ils s'attendent à autre fait, chose que ce que vous vouliez faire, quoi. Le truc, c'est que. Comme le film avait coûté quand même beaucoup d'argent, ils ont fait une sortie très très lourde. Et en fait, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas l'esprit des Robins. C'est-à-dire que ceux qui connaissaient les Robins, bah, ils aimaient bien. Puis il y avait ceux pour qui cet humour-là était complètement bizarre, quoi. Et là, il y a eu un petit malentendu. Puis la presse, il y a eu un petit problème aussi avec la presse. On avait l'impression qu'on avait été des criminels de guerre, quoi. On ne comprenait pas ce qu'on avait fait. Les mecs nous sont tombés dessus avec une violence inouïe, comme le Parisien en faisant la couve en titrant nul. C'était totalement disproportionné par rapport à nous, ce qu'on avait voulu faire, c'est-à-dire un film qui déconne, quoi. Mmh. Il ouais, y a des fois un risque de s'ouvrir à un public qui est trop large, en fait, avec le risque de, que les gens, une partie, ne comprennent pas, quoi. Moi, complètement. Je pense que c'était le film d'Alain... juste après Astérix, donc il y avait cette espèce d'attente, et que peut-être que le film n'était pas aussi réussi qu'on veut le penser. Si, très très réussi, il avait 20 ans d'avance. mais voilà, et c'était à ce moment-là, les nuls venaient de sortir l'intégrule qui battait des records, et je pense que la presse s'est dit, ah, ouais. Là il y a une petite faille, ouais. On va pouvoir enfin taper sur Alain Chabat, et donc du coup... Voilà, c'était Nice, il n'y avait pas le côté cheap des Robins. Et... À l'époque des Robins, la presse ne nous aimait pas. Hein. Généralement, toute la presse dite Les Inrocks, Technicart ou Libé. Alors, faites confiance à Maurice, il a des dossiers sur... Il a tout gardé. Non, mais c'est vrai que moi, je ne comprenais pas, parce que j'étais plutôt un lecteur de cette presse-là, et je ne comprenais pas pourquoi il nous prenait autant de haut. Quoi. Mm. Et en fait, ils ne comprenaient pas trop ce qu'on faisait, donc ça les énervait, donc ils nous tapaient dessus. Non, mais nous, ce n'est pas que les gens ne nous aimaient pas, c'est qu'on avait des dossiers. Je me souviens, il y avait un dossier dans Technicart pour... sur 4 pages pour expliquer que c'était de la merde qu'on faisait. Mais tu sais, c'était des espèces de douze. Alors, à la sortie du film, j'en parle pas, mais même avant, c'est vrai que c'était pas une petite mauvaise critique. C'est-à-dire que les mecs, ils faisaient des articles de fond, quoi. Avec des diagrammes. Non, c'était vraiment, il fallait nous abattre. Mais c'était un truc. Et ils prenaient très mal le fait d'être, entre guillemets, ringardisés, parce qu'il y avait ceux qui comprenaient l'humour des Robins, puis il y a ceux qui comprenaient pas. Et eux, ils faisaient partie de ceux qui comprenaient pas. Donc, ils avaient l'impression d'être des ringards. Mais nous, c'était pas un avis qu'on s'attaquait pas à eux. On s'en foutait. Nous, on faisait ce qui nous faisait rire. Mais eux, ça les énervait de pas comprendre. Mais c'est... Pardon, vas-y. Non, mais c'est un peu ce qu'ont connu et ce que connaissent encore beaucoup de gens, justement, avec des gens qui ont commencé sur Internet. Ouais. Où il y a quand même un monde qui a tenu à créer un fossé entre les deux, alors que finalement, c'est les mêmes métiers, quoi. C'est être bien comédien, sûr. Être auteur et tout. Mais il y a cette incompréhension qui fait qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, quand t'as commencé sur Internet, c'est compliqué parce que tu... T'es pas forcément compris, c'est un humour qui est un peu nouveau. Mais bien sûr, et moi le premier, tu vois, moi qui regarde certains sketchs du web, bah, parfois je passe à côté, mais je dis pas que c'est de la merde. Mmh. Je dis, bah, en fait, j'ai pas compris, ou alors ça a été trop vite pour moi, mais parce que je suis lent et que je suis vieux. Mais, mais en tout cas, j'assume, tu vois, alors qu'à l'époque, il y avait une sorte d'intelligentsia qui disait. Non, l'humour c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ouais. Et donc c'était. Bah, non, mais en plus, en vrai, c'est pas pour une volonté totale de comparer pour comparer, mais nous c'était plus. Il y avait aussi le truc, c'est pour les enfants. C'est que les vidéos sur Internet, c'est pour les enfants. Et vrai que dès que tu t'essayais de faire des trucs un peu ailleurs ou machin, moi j'avais fait un sketch où il y avait moins de blagues, et là d'un coup j'ai eu plein d'articles qui disaient ah, quelqu'un qui ne fait pas que des blagues sur Internet, alors que moi j'adorais aussi faire des sketchs d'une débilité profonde, et mais d'un coup j'avais fait un sketch qui voulait mettre un peu d'émotion, un peu de poésie, et d'un coup là j'avais eu des articles qui disaient ah là ça révolutionne. Mais parce que tu sais, en France il y a un mépris pour la blague, comédie, pour la comédie. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire, quand tu fais une comédie, tu passes tout le temps pour un sous-genre, quoi. Alors que les plus grands comiques français ou autres sont les plus grands acteurs, et à commencer par Charlie Chaplin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y a un truc, y a un mépris, qu'il faut arrêter de mépriser la comédie, quelle qu'elle soit, parce que faire rire, pardon pour ce cliché, mais c'est le truc le plus compliqué au monde. Donc, voilà. Enfin, faut se prendre au sérieux pour aussi. Enfin, faut prendre l'artisanat du truc au sérieux pour faire rire, quoi. Mais bien sûr. Et les gens pensent que c'est juste faire n'importe quoi, en fait. Ah ouais, et puis faire rire, c'est une question de rythme, c'est une question de sincérité. Il y a plein de trucs, quoi. C'est pas facile. Mais après, Roy, il a quand même été bien. Enfin, pour ma génération, c'est quand même un film vraiment culte. Hein. Enfin, je veux dire, il a quand même été remis. Mais nous, c'est un tournant qu'il y a eu. Longtemps après, en fait. Oui, oui, bien sûr. Non, j'imagine qu'à l'époque, mais aujourd'hui, maintenant. J'ai compris ça quand j'ai fait la tournée des profs. Pardon, quand j'ai fait la tournée des profs, à la sortie, j'avais beaucoup d'enfants de 10-12 ans qui me demandaient des autographes de Pierre, de Reux. Et je disais, mais t'étais pas né quand le film est sorti. Et c'était grâce à leur grand frère. Et donc, le film s'est revu sur des petites chaînes comme ça et avec le DVD. Et les gens n'étaient pas victimes de la cabale, donc ils se le sont pris naturellement, sans a priori. Et je crois que c'est un tournant comme ça. Puis par rapport à ce que tu disais sur les enfants, nous, on a toujours été adorés des enfants. Pef, c'était quand on était à la télé, c'était un héros, il avait des fans de 3 ans. Et pour te dire à quel point... Donc c'est eux, ils nous ont, tu vois, ils ont grandi. Et donc maintenant, c'est eux qui ont fait... Parce que les enfants savent qu'il n'y a rien à comprendre. Quand c'est débile, c'est débile. Ouais. Mais c'est vrai, moi, j'ai fait des sketchs dans les hôpitaux, donc des trucs visuels de clowns. Et le personnel de l'hôpital, qui n'était pas prévenu de mon arrivée, voulait m'interdire. Parce qu'ils croyaient que j'étais un débile profond qui cassait tout et tout. Et les enfants étaient les seuls à rire. Mmh. Les enfants malades comprenaient que c'était du sketch, quoi. Et les adultes, non, ils cherchent à expliquer. Qu'on a arrêté à Canal. Et je me souviens quand la sortie de Reux et qu'on était un peu abattu par le... Moi, je me cachais. Semi-échec. Parce qu'on a été. Ça a été vraiment violent. Ouais. Même si le film, il a fait 1,9 million à la sortie, donc c'était quand même pas rien, mais c'est vrai que ça a été un semi-échec. Et nous, on a été tricards pendant 2 ans dans le métier où les gens nous regardaient en se pinçant le nez. Parce que c'était vraiment. On avait commis un film, quoi. Ouais. Mais. Et nous, par orgueil, on se disait entre nous, vous inquiétez pas, ça sera culte dans 15 ans. Mais tout ça pour se convaincre. Et il se trouve que le hasard a voulu que le film le devienne. Mmh. Et on n'y est pour rien, si ce n'est qu'on s'est amusé à faire ce film. C'est drôle. Ouais, mais en fait, ça ne se décrète pas quand un film devient culte. Non, c'est vraiment un truc. C'est les enfants qui ont grandi, qui, à force, ont. Et puis c'est un humour qui, pour le coup, existe que à travers vous au cinéma. Enfin, il n'y a pas eu de film aussi. Absurde qui pousse le truc jusqu'à mettre, enfin, ne serait-ce qu'un film de préhistoire français, il n'y en a pas eu derrière eux, quoi, depuis 15 ans. Non, enfin, c'était aussi un truc très à part aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est vrai, c'était à part, mais. Mais il y en a d'autres exemples de films qui ont été catastrophiques à leur sortie, et maintenant, même Les Bronzés, enfin, je ne me compare pas, mais le premier Bronzé, il a fait 500 000 entrées, hein, et là, ça fait 8 millions à chaque fois, ça passe. Maintenant, par exemple, les Monty Python, tout le monde sait qui c'est, etc. Les Monty Python, Sacré Graal, il n'y a pas la version française. C'est sorti dans des salles de... Ça fait un carton Sacré Graal dans le monde entier. Le seul pays où c'est sorti que dans quelques salles d'arrêt d'essai, c'est en France. Ouais. C'était un public archi de niche, quoi. Mais la leçon, moi, que je tirerais, même si on va me dire, quelqu'un, Élise, va me dire non, c'est pas du tout ça, le film n'était pas bon. Non, c'est pas du tout ça. Moi, la leçon que je tirerais, c'est que... je dirais pas qu'on a pété plus haut que notre cul, mais... On avait un fan club, c'était débile ce qu'on faisait, on le savait, il n'y avait pas de chute. Et d'un coup, des gens ont voulu l'ouvrir à tout le monde. Ouais. Et ce n'est pas possible. Donc, les gens, ils se sont régalés. Ils ont vu le Shabbat, c'était le pape, Astérix. On n'avait jamais fait ça depuis la Grande Badrouille, quoi. Il n'y avait pas eu les ch'tis, il n'y avait pas eu Intouchable. Ouais. Donc, ils se sont régalés à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, c'était juste pour un public averti. Ils l'ont ouvert à trop de monde, quoi. 900 copies, je ne sais pas si vous y connaissez, mais 900 copies, c'est Star Wars. C'est n'importe quoi de sortir un petit film comme ça d'absurde. L'absurde, c'est pas non plus la plus grande passion des Français. Pour les tas de gens, j'allais dire par rapport pour revenir aux enfants, quand on a arrêté à Canal, je vais chercher mes enfants à l'école et une dame qui sort de la maternelle avec son petit, tout petit, hein, tu vois, il me dit, c'est vrai que vous arrêtez? Je dis oui, ben là oui, l'année prochaine. Et alors, les Télétobies s'arrêtent le matin, vous arrêtez le soir. Alors pour les petits, l'année prochaine, il n'y a plus rien. C'était une dame qui était persuadée qu'on était la tranche horaire des tout petits. Voilà. Donc, moi, un des compliments qui m'a foutu la larme à l'œil, c'est dans la rue, quand on faisait nos sketchs à la télé, il y a un couple avec un bébé de 1 an et demi. Et qui me disent, on vous regarde, il vous adore. Je dis, qu'il me flatte, il dit n'importe quoi, un bébé de 1 an et demi. Et en fait, il riait à Pouf le cascadeur, quoi, 1 an et demi. Ouais. Donc, bon, ça c'est. Donc, tu penses bien que ces parents-là, notre humour, ils étaient persuadés qu'on était les Télétobies. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi je regardais la cape et l'épée. Je faisais chez mes parents pour que le samedi on regardait la cape et l'épée. Et vraiment, c'était. trop drôle. Mais je pense que c'est le truc aussi. Moi, j'étais pas enfant, j'étais un peu pré-ado. Ouais. Mais il y a un peu un truc de. Même, tu sais, il y a une fierté, quoi. De, bah ouais, mes parents, en plus, ils comprennent absolument pas ce que je regarde. tu vois, en plus, c'était un enchaînement. C'était pas le même humour, mais il y avait vous et H. Et vraiment, là, mes parents, c'était deux trucs d'affilée où ils font waouh, mais c'est que des gens qui hurlent, quoi. Et je fais, ouais, c'est ça qui est génial et qui se cassent la gueule et qui se font asperger de merde. Et voilà. Et ça, c'est. Voilà, L'aspicha. L'aspicha. Voilà, c'était bon, ça. On va bientôt avoir terminé. J'ai quelques questions d'auditeurs, donc voilà, je me permets de vous les partager. Maurice Epef, vous avez fait après, vous avez réalisé des films plus touchants, en tout cas qui vont plus dans la poésie. Toi, Pef, t'as fait Essaye-moi, et toi, Maurice, t'as fait Papa, dont on a parlé d'ailleurs dans l'émission. Il y a quelques, qui est un film que moi j'adore et que et encore bravo pour ce film. Est-ce que ça vous titillait depuis longtemps d'explorer une touche un peu plus poétique, en tout cas entre grosses guillemets sérieuses, après des années de Robin des Bois très absurdes? En fait, on avait juste envie de raconter une autre partie de nous-mêmes. Parce qu'on a fait beaucoup de comédies à une époque, et puis après, chacun a raconté des trucs qui étaient plus personnels, Pef de son côté, moi du mien. C'était pas, il n'y avait pas de stratégie, il y avait juste une volonté d'aller vers des choses qu'on n'avait pas explorées jusqu'à maintenant. Il a raison, et c'est souvent le cas pour beaucoup de réalisateurs. Le premier film, vous pouvez regarder My Wen, enfin plein de gens, le premier film, c'est souvent le film touchant parce que c'est celui où on met de soi, on se cache derrière des personnages, mais on met beaucoup de soi. Et puis après, peut-être dans d'autres films, on a un plus de recul, mais dans le premier, on met beaucoup, souvent. Mais toi, Papa, c'est le deuxième. Tu l'as écrit avant. Papa, c'est le deuxième, effectivement. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait Casablanca Driver juste avant. Mais qui est très personnel aussi. qui est très particulier, qui est sorti, qui est resté une semaine à l'affiche. Mais il y a beaucoup de fans. Ah ben moi, Christophe Carrière et moi, on est grands fans. J'ai toujours dit à Maurice. Moi, j'ai réalisé un faux documentaire et c'était ma ref. Ah bon. J'ai fait un truc avec Natou et je vais montrer parce qu'elle l'avait jamais vu, Casablanca Driver. Putain, mais quand le film est sorti, en plus, il se trouve que Dieudonné avait été parti en vrille à cette époque-là. Mais Maurice, regarde, Dick Henneck, ça fait 50 000 entrées. Hein. Ouais, c'est ça. Et ouais. Tout le monde dit fan club et tout. Et toi, Élise, toi, tu disais que tu écrivais pas. Mais est-ce que c'est un truc qui pourrait te titiller d'écrire une histoire? Alors, non, moi, j'écris maintenant. Maintenant que je suis plus, je pense que j'aurais jamais réussi à écrire du Robin. Enfin bon, j'avais participé à l'écriture collective de la pièce, etc. Mais d'abord parce qu'il n'y avait pas la place, ils étaient déjà quatre, ils prenaient de la place, donc moi j'aurais jamais pu faire ma place en tant qu'auteur là. Et depuis j'écris, mais moi j'écris pas, j'ai écrit un film que j'ai pas réussi à faire. Mais comme ce film a beaucoup circulé, que j'avais eu une partie de l'aventure recette, tout ça machin, donc tout le monde l'a un peu lu dans le métier, donc maintenant j'ai du travail en tant que scénariste. D'accord. Surtout qu'ils ont changé le titre, ils l'ont appelé Star Wars. Donc, et c'était la bonne idée. Et bah oui. Et là, ça a cartonné. Et donc, maintenant j'écris, mais c'est pas du Robin. Est-ce que vous pensez que ce serait possible, peut-être que ça dépend pas de vous, mais en tout cas ça a été demandé, d'avoir les sketchs des Robins sur YouTube, justement un jour, parce qu'il y en a quand même une pelletée, et est-ce que vous pensez qu'un jour ce serait difficile? Ça serait possible, il faudrait juste qu'il y ait un accord entre Canal et YouTube à un moment ou un autre, parce qu'ils sont producteurs de cette pièce, et pareil, des sketchs, et pareil sur Comédie. Nous on n'a rien contre, tant que tout ça est fait dans les règles de l'art. Je suis malheureux, on en a fait près de 2000, et j'ai juste, comme tout le monde, ceux qui sont dans les DVD, c'est-à-dire. Même pas 5%. Quoi. Et puis alors, tu sais, je dénonce. Mais moi, j'ai co-écrit et co-réalisé un doc sur la célébrité. Enfin, bon, moi, j'étais un peu un fil rouge, etc. Et je voulais. Pour illustrer le début, on voulait prendre un sketch des Robins. Et ils ont voulu me faire payer un doc France 3. Ils me vendaient le truc, genre 2000 euros. Parce que c'est Canal qui le vend à France 3 ou Comédie. Et je fais non, mais. Même moi, j'ai pas accès au sketch gratuitement. Alors, tu vois. Moi, j'ai dit fuck, et on a fait sans sketch. Ça s'entend. Après, il y a des sketchs. Je rêve que personne ne le voit plus jamais. Parce que parfois, je tombe sur Internet, je dis c'est-à-dire que moi, qui suis obsédé comme Maurice du rythme, on est fou de rythme avec Maurice, et je me rends compte que parfois il y avait aucun rythme dans les sketchs, et j'ai honte. 20 ans plus tard, je me dis mon dieu, comment on a pu jouer aussi lentement. Mais grave. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'ai vu récemment, j'étais dans une émission chez Drucker pour faire la promo du bouquin des Robins, et là il passe un sketch des Robins, je crois qu'il était le plus mauvais, et donc je tombe des nues, je dis mais pourquoi ils ont choisi ce sketch, quoi. Et c'était un truc truc, ça n'avait aucun sens, on comprenait rien. Et là, je me suis dit, putain, la vache, on a fait du déchet, ouais, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, juste pour l'indiquer, alors du coup, c'est complètement illégal, hein, la personne qui le fait, mais au moins c'est présent. Mm-hmm. Il y a une chaîne qui s'appelle justement The Royal Imperial Green Rabbit Company. Ah, je savais pas. Qui a du tout enregistré en cassette vidéo. Donc ouais. En plus, c'est drôle, t'as les bandes au d'accord. début qui sautent et tout. Ouais. Et on peut revoir pas mal de sketchs. Ah bon mais je suis pas c'est pas toi, Maurice ? Non, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Mais c'est cool, c'est sympa. Bah on va envoyer Maître Choucroune, de toute façon. Non, mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que là, on va parler de l'utilisation des sketchs qu'on a pu faire, des noms de trucs comme Il va faire tout noir ou comme etc. Et il y a beaucoup d'utilisations sur lesquelles on nous a pas demandé notre avis. Tu les t-shirts surtout. Les t-shirts, fussoir. Le fussoir, par exemple, ce qui est un mot inventé, même pas par nous, c'était inventé. Fussoir, c'est une stagiaire, c'était Louise Deniseau, qui n'osait pas parce que Pef, il écrivait à la main et c'était elle qui les retapait. Je savais pas qu'on avait inventé des ordinateurs. Et donc elle était chargée de les mettre au propre et elle était toute timide et elle n'arrivait pas à le relire et donc elle dit ça me fait ça devait être frisson. C'était frisson. Ça me fait une sorte de frisson et elle met fussoir. Ah c'est drôle. Ouais. C'est et comme ça nous a fait rire. Et Pascal à ce moment-là parce que Pascal se dit c'est écrit ça donc je vais même pas poser la question et donc première répète il l'apprend et il le dit et donc voilà et nous on regarde on se dit mais Pascal pourquoi tu dis ça il dit c'était marqué on n'avait pas cru au début donc on est parti là-dessus donc non, là on est sûr que c'est nous hein tout ouais. ça pour dire que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs comme Bidet Musique qui ont été repris comme V2M Vie de Merde qui était aussi un de nos sketchs etc. Nous, on n'a rien contre sur le principe, mais c'est juste, venez nous le demander, quoi. Et moi, par exemple, il y a des fabricants de bière qui sont venus, qui m'ont envoyé qui m'ont contacté par Messenger en me demandant est-ce qu'on peut faire une bière qui va s'appeler Il va faire tout noir. Je lui ai dit non, c'est pas possible parce que toute exploitation commerciale de nos trucs, on n'est pas pour. Ouais. En revanche, si des gamins veulent utiliser ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais là, c'est un appel que je fais, c'est... On n'est pas des gars à la con qui veulent gagner de l'argent avec des trucs qu'on a écrits. Non, on veut juste avoir un mot à dire à un moment ou à un autre. C'est Bruno Solo, un jour, il me dit « Ah tiens, je t'ai pas dit, je t'ai pris, enfin je vous ai pris, va te faire cuire le cul, hein, j'ai mis dans la vérité si je mens. » Voilà, c'est-à-dire que c'était déjà tourné, c'était trop tard, quoi. Et il me l'a dit comme ça, quoi. La copie voilà, comique. C'est dans le temps. Voilà. Vous avez sorti un bouquin. Il n'y a pas longtemps, qui s'appelle ça se prononce comment ? La Pléiade ? Non, ça se prononce La Pléiade. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le lisent La Pléiade. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, on était obligé d'un peu détourner le principe de La Pléiade, qui est un bouquin très classique. Et on l'a appelé La Pléiade, P-L-A-Y, comme play. Quoi. Bon, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, on s'est pris une lettre des éditions Gallimard en disant, on est dérangé quand même, parce que c'est quand même une façon de se moquer de notre bouquin La Pléiade, etc. Et nous, on dit, d'une part, le droit à la parodie est un droit. Ouais. Et puis en plus, pas 30 secondes, c'est pour critiquer la Pléiade. Oui, il faut dire que le PDG de Gallimard, c'est Antonio Banderas maintenant. C'est ça. Et au final, le bouquin s'est bien vendu. Et on est content parce qu'on l'a sorti plus pour célébrer les 20 ans des Robins plutôt qu'autre chose. Ouais. Et au final, le bouquin est bien parti. Et on est content de ce qu'on a fait. Et ça a une belle gueule. Il est beau, c'est un très beau livre. Ouais, on remercie les éditions du Cherche Midi. Ils nous ont suivis très, très, très, très sympathiquement. Et maintenant, il y a une réédition qui est faite puisque la première édition est partie. Donc il y a une réédition et on espère que ça va se vendre jusqu'en 2028. Super. Moi, j'ai aussi. Et d'ailleurs, après, vos bouquins prennent vraiment très cher. Achetez-les maintenant, regarde, parce que tu vois, 100 balles, c'est ça. On disait tout à l'heure. Parce que moi, j'ai aussi l'histoire de France, et pareil, il coûte une blinde. C'est vrai ouais. Putain ouais, c'est... Oh, la vache, je peux me faire une fortune, il m'en reste 5 à la maison. Ça, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que j'en ai pas à la cave? Merci beaucoup. Je vais faire un dernier petit tour de table en mode actu, pour savoir sur quoi vous bossez. Élise, en ce moment. Écoute, moi, là, au printemps, je dois tourner un film que j'adore. Star Wars 2. Ouais, Star Wars 2. Donc, il s'appelle Lionel, où j'ai un rôle super. Le film de Lionel Alpi, j'espère que ça va se tourner, on croise les doigts. Et après, cet été, je suis à Avignon, dans la pièce de Mark City qui s'appelle Les Vies de Swann, et je suis très contente. Très bien. Maurice ? Moi, j'ai terminé un péplum pour M6. La série Péplum, La série Péplum, en fait, a donné lieu à un unitaire. Et donc, moi, j'ai réalisé que l'unitaire. Et il y a une grosse distribution, Le Caplin, Nadia Rose, Elise Moon. Bref, il y en a plein. Et ça sera diffusé dans les 6 prochains mois sur M6. Et c'est une bonne grosse connerie. D'accord. Il est fini ou t'es encore il en est fini, il est fini, il est prêt. Je sais pas quand M6 va le diffuser, mais je suis content parce qu'on a vraiment pu faire un vrai péplum dans des vrais décors extérieurs et ça a la gueule, quoi. Ça a vraiment une gueule de péplum. Donc, M6, méfie-toi, parce que moi je suis donc dans Commissariat Central. La saison 2, elle a tourné il y a 2 ans, ils l'ont toujours pas diffusée. Non. Méfie-toi. Non, je vais pas me méfier du tout. Je pense qu'M6, c'est une très bonne chaîne et qu'ils vont le diffuser très prochainement. Ils vont le diffuser tout de suite. Elle a pas bien compris. Il y a des moments, il vaut mieux fermer sa gueule. Dis-toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas te relire tout à l'heure, tu vas voir. Pef ? Et alors moi, je viens de terminer mon film qui sort en octobre, qui est tiré d'un fait divers, donc je suis très loin des profs et de Gaston Lagaffe. C'est l'histoire d'un petit Bangladais SDF sans papier qui est devenu champion de France des moins de 12 ans en échecs, en jeu d'échecs. Et une très très belle histoire. Son entraîneur est joué par Gérard Depardieu. Ah, donc t'as dirigé Gérard ? Je sais pas si on dit diriger Gérard, mais en tout cas je l'ai mis en scène et à côté de Isabelle Nanty. Ouais. Et puis surtout ce petit Bangladais là, qui s'appelle dans le film Fahim. Voilà, et voilà, donc là, t'es en belle histoire. Ouais, je suis en montage. D'accord, c'est ça en octobre. Bon, bah merci beaucoup. Merci à vous, c'était voilà. Très sympa. Bah ouais, c'était super cool. Merci. Désolé sur la fin, il y avait, parce qu'en fait on enregistre au ski, donc il y a des petites animations. J'en profite d'ailleurs pour remercier le Snowweb et particulièrement Sarah Gélin pour avoir permis cette émission un peu particulière qui m'a fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup. Ouais, chouette festival. Ouais, ouais, très cool. Et merci à la LMDE et à Lagrange. Voilà, et on se retrouve, et bon, je pense, la semaine prochaine. Si tout se passe bien, voilà. Et voilà, avec un micro pour tout le monde, Adrien. Et longue vie à cette belle station de la Toussuire. De la Toussuire, exactement. On enregistre à la Toussuire. Ouais. Bah, merci beaucoup. À très bientôt. Salut. Bye, ciao. Bye. Salut. Bye. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de notre débat de ce soir sera « Pour ou contre les 35 heures ?» point d'interrogation. Je reçois ce soir Monsieur Barthélélé. Oui. Non, c'est moi. Monsieur Barthélélé, petit employé dans une grande entreprise dont il est aussi le PDG. Monsieur Barthélélé est contre les 35 heures. Madame Larny. Oui, bonjour. Ah non, c'est moi. Madame Larny est la vraie voix de l'horloge parlante et donc elle s'y connaît en heures, qu'il y en ait 35 heures ou plus. Monsieur Martin. Bonsoir. Non, c'est moi. Ah, pardon. Merci. Monsieur Martin est ministre au ministère du Travail, de l'Heure et de la Semaine. Oui, oh, ça va. Mademoiselle Marna. Oui. Non, c'est moi. Mademoiselle Marla, italienne de Milan en Italie, qui nous donnera son avis italien sur la question. Et enfin, monsieur Vince. Bonsoir. Ah non, c'est moi. Monsieur Vince, que j'ai invité pour ne pas lui poser de questions. En tant que présentateur, je me présente, je m'appelle Henri. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son début. Alors, au risque de choquer, je poserai ma première question en premier. Pour ou contre les 35 heures ? Ça sera toi qui répondra. Monsieur Barthélélé. Écoutez, j'ai un peu le sentiment qu'on reste à l'extérieur. Je crois qu'il faut recentrer le débat et poser les vraies questions. Non, écoutez, on me fait signe que l'intitulé du débat est pour ou contre les 35 heures. On est en plein dans le sujet. Alors, pour ou contre ? Ma position est tout à fait claire. Je suis contre les 35 heures par semaine. Par contre, je suis pour les 35 semaines en une heure. Car voyez-vous, quand on concentre 35 semaines en une heure, on gagne du temps sur les loisirs et pour le VTT. Oh, oh ! Mais moi, j'ai un avis très tranché sur la question. Je suis absolument ni pour ni contre. Qui veut réagir sur ce que vient de dire monsieur ? Ah, moi ! Allez-y. Eh bien, je suis en parfait désaccord avec ce que je viens de dire. Au quatrième top, il sera exactement 4h18min 0s. Merci. Monsieur Barthélélé, je crois qu'il est important d'être concret dans ce... Barthélélé, s'il vous plaît. Barthélélé, oui. Merci de préciser. Il est important d'être concret dans ce type de débat. Oui. Quelle est, selon vous, la différence entre 35 heures et 39 heures de travail ? Ah, alors, la question est un petit peu difficile. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, grosso modo, il y a 4 heures de différence. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh! quatrième top, il sera exactement 4 heures, 26 minutes, 0 secondes. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son milieu. Je crois qu'il est temps d'avoir un avis italien sur la question. Mademoiselle Marna, donc vous êtes italienne. Existe-t-il en Italie comme en France des semaines? Et si oui, combien ces semaines contiennent-elles d'heures de travail hebdomadaire? Sì, allora, sì, esistono boh, le settimane anche in Italia, però io devo dire che le cose che, oh grazie, che non si sanno è che se non metti il prezzemolo sulla pasta fa schifo. Ah, enfin quelqu'un qui pose le vraie question, je suis tout à fait d'accord avec madame. Oh, monsieur Bartelolo! Ah non, pardonnez-moi, mais je, là, bon, ben, je vais sortir de mes gonds. Ah! Monsieur Bartelolo, mais non, cette dame a raison, vous avez raison. Bien, tout le monde semble d'accord avec ce que vient de dire mademoiselle Marna. Qui n'a pas compris ce qu'elle a dit? Au quatrième top, il sera exactement 4 heures, 39 minutes, 0 secondes. Oh, ta gueule. Bien, je vais maintenant improviser une question imprévue que j'ai écrite il y a 2 jours. Cette question s'adresse à monsieur Bartelolo. Monsieur Bartelolo, jusque où êtes-vous prêt à aller dans votre lutte contre les 35 heures? Monsieur Martin, voulez-vous répondre? Ah, mais je vous remercie de me poser cette question qui était destinée à monsieur Bartelolo. Et je vous répondrai que je vous remercie de me poser cette question qui était destinée à monsieur Bartelolo. Merci. Qui veut dire « je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas » ? Moi. Allez-y. Bah, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Merci. Ah, ah, je me fais signe que l'émission touche à sa fin. Très bien. Dans le cadre de la construction européenne, j'aimerais bien avoir une conclusion en langue étrangère. Mademoiselle Marna. Sì, allora io penso che no, la pasta non si mangia con le mani, ma piuttosto con i piedi. L'avantage d'une conclusion incompréhensible, c'est qu'elle laisse des portes ouvertes. L'émission est à présent terminée. Merci d'y avoir tous participé. Le débat fut très agité ce soir. Parfois tendu. Mais tout de même capital. Merci. Demain, je vous recevrai à nouveau pour un grand débat de fond sur les cuisses. Au revoir, à demain.